Est-il permis de travailler auprès d'un tarout? Question posée à Cheikh Abdelrahman ibn Talaa al-Mekhlif. Donc, est-il permis de travailler auprès d'un tarout? Si oui, quelles sont les limites de sa permissivité? La réponse du Cheikh. Le tyran, tarout, est un mécréant comme tous les autres mécréants. La différence entre lui et les autres consiste au fait que la mécréance du tyran est supérieure à celle des autres mécréants. Le travail auprès d'un tyran est à la base permis, si le travail n'est pas en soi illicite et ne constitue pas de mécréance. Donc si le travail est en soi licite, alors il est consenti. A contrario, si le musulman est obligé d'accomplir un travail illicite, cela devient pour lui interdit. Et vu que la nécessité rend licite ce qui ne l'est pas, de la même manière, s'il est contraint d'accomplir un acte ou une parole d'infidélité, il ne devient pas mécréant à cause de cela. Et Allah demeure le plus savant.